chanterai la bonté et la justice. À toi, Éternel, je veux chanter. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison, dans ta vérité. Je ne mettrai rien de coupable devant mes yeux. Je hais la conduite des infidèles. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux connaître ni le mal ni ses rebelles. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas dans ma présence. Dans une voie parfaite, voilà celui.